Maintenant je me réveille triste bébé, tu connais la suite. Mais je fais l'effort, j'insiste, l'urgence pèse sur ma conduite. Trop obstiné, à foncer tête baissée, j'ai sûrement négligé les plans de repli, les plans de fuite. J'ai fini de rédiger mes plus belles pages et le doute persiste. C'est la chanson de Ferret, la vie d'artiste. Le soleil qui ne perd jamais les nuages, galéré comme sa mère. Je le vis trop mal, j'ai plus l'âge, tout ça me broche, ça me vient malsain. Des milliers de rimes lâchées pour rien. Faut que je fasse attention, tellement ça bouleverse mon rapport à la création. Frustration, j'explique des textes, des gris, la voix grave, désenchantée, jusque dans l'interprétation. J'ai tout revu à la baisse, la copie en moins grand, disant que mes chemins de traverse mènent au néant. Combien de jours, combien de nuits, combien de matins gris. Combien de jours, combien de nuits. Soufflera ce nuage noir au-dessus de ma tête. Y'a toujours des corbeaux qui croissent dans au-dessus de mes champs de pâquerettes. Je vois du gris dans le bleu, mon pessimisme est destructeur, je veux bien l'admettre. Quand on parle d'amour, je rigole peu. Quand brûlé, je me méfie de la flamme, je me suis tellement jeté dans le feu. Marqué juste dans la chair, l'écriture, longue torture. Vu que moi-même, quand c'est mort, je lâche pas l'affaire. La tête en l'air, forcément vu que les pieds sur terre, ça fait trop mal. Pour me rassurer, je pourrais rapper des conneries style. Toutes les histoires se valent, mais je veux plus mentir. J'écris pour rectifier le tir. Lâche pas maman, oublie pas de revenir. Je peux être que meilleur, vu que j'ai été le pire. La vie me fait des frayeurs. Et s'il y a une morale, je ne cesse de me dire. Je vais payer cher mes erreurs et vivre dans le souvenir. Combien de jours, combien de nuits, combien de matins gris. Combien de jours, combien de nuits. L'histoire est-elle déjà écrite? Je m'interroge et me perds. Dans les yeux en mosaïque de Chamber Street, si peu de choses me semblent claires. Pour ces convictions, pour que notre histoire vive ou survive, quel est le bon mot? Y'a trop d'écart entre nos deux rives. Une langue différente, pas le même drapeau. Je comprends ton exil, mon amour, comme seule réponse à tes questions. Mais y'a plus de place pour le romantisme bidon. Du gris dans le bleu et des milliers de kilomètres entre nous. Personne ne comprend notre histoire, on se comprend entre fous. Mon humeur influe sur ma perception des couleurs. Dans mes heures grises, plus sensible à la douleur. Trouver la force de prendre les décisions plus tard. Car je ne suis pas le même, perdu dans le brouillard. Les nuits sont longues quand on ne fait que douter. Le bleu mange le gris et je veux goûter au bonheur qui m'est promis à tes côtés. Combien de jours, combien de nuits, combien de matins gris. Combien de jours, combien de nuits, combien de matins gris. Qui soufflera ce nuage noir au-dessus de ma tête? Maintenant, au-dessus de mes champs de pâquerettes. Je vois du gris dans le bleu. Ah.